Les Nuits Terribles par Alphonse Brault. Deuxième série, Les Compagnons de l'Arche. Deuxième partie, Le mariage de Fernande. Chapitre 1er, Angèle Maréchal. Fernande de Croix-Marie, la fiancée de Jean de Clodion, était l'une des plus riches héritières du Morbihan. Orpheline à 10 ans, elle avait été élevée par le frère de sa mère, le marquis de Kerdal, un noble breton, grand chasseur devant Dieu, légitimiste à outrance devant les hommes et de plus célibataire. Il était de haute taille, large d'épaules, coloré de visage comme tous les gens qui vivent au grand air, et d'une vigueur qui rappelait celle de ses ancêtres, si à l'aise, sous leurs lourdes armures de fer. Ses contemporains racontaient que sa jeunesse avait eu ses orages. Ses succès dans le grand monde et dans le demi-monde de cette époque avaient eu en effet un certain retentissement. Mais les années, quelques déceptions galantes et, ce qui est plus vraisemblable, le sentiment des devoirs que lui imposait la tutelle de sa nièce, l'avaient ramené à l'évicale de la province. Lorsqu'on lui parlait de l'existence monotone et presque claustrale qu'il menait dans son vieux manoir, il répondait qu'il n'avait jamais été plus heureux que depuis qu'il faisait le métier de mère de famille. Hâtons-nous de dire que sa pupille, par les grâces de sa personne et surtout par les solides qualités de son esprit et de son cœur, expliquait la transformation qui s'était opérée dans les habitudes du gentilhomme breton. Fernande de Croix-Marie avait 19 ans. Mince sans maigreur, elle était grande et élancée à la façon de la Diane Chasseresse. Ses cheveux fins et soyeux avaient cette nuance d'un blond doré si cher au vieux maître de l'école vénitienne. Ses yeux, d'un vert sombre, avait l'éclat lumineux des yeux noirs et les tendresses attractives des yeux bleus. On sentait revivre en elle l'héroïsme des vieilles races armoricaines fondues dans la morbidezza rêveuse de notre époque. C'était en un mot une jeune fille sérieuse et dont l'âme pure s'ouvrait instinctivement, naturellement, à tout ce qui était bon et beau. Les habitants du pays l'avaient surnommée la fée des grèves. Jamais surnom n'avait été mieux mérité. Elle était une véritable providence pour les familles des pêcheurs de la côte. Dès qu'il y avait une souffrance ou un malheur à adoucir, on la voyait aussitôt accourir suivie d'une jeune femme qui lui servait de dame de compagnie. Cette confidente des bonnes œuvres de Fernande de Croix-Marie se nommait Angèle Maréchal de son nom de demoiselle, et les circonstances qui avaient motivé son entrée au château du marquis étaient des plus touchantes. Fernande avait rencontré un jour, dans le village de Pembok, pendant ses visites charitables, Angèle portant dans ses bras une petite fille de 3 ans au visage charmant, mais si frêle et si pâle qu'on aurait cru qu'elle allait mourir. Elle s'arrêta pour regarder cet enfant. « Pauvre petite, » dit-elle en l'embrassant, « comme elle paraît souffrante, qu'a-t-elle donc ?»« Hélas, mademoiselle, » répondit la jeune mère, en enfonçant une larme qui perlait à sa paupière, « j'ai bien peur que la vie qui se retire peu à peu de ma chère Lucienne ne l'abandonne bientôt tout à fait. Avez-vous consulté un médecin ? Demanda mademoiselle de Croix-Marie. Il faudrait en faire venir un de Vannes, et le voyage coûte fort cher. Voulez-vous que je vous envoie le mien ? Répliqua Fernande. Une vive rougeur monta aux joues amaigries d'Angèle Maréchal. Elle parut hésiter à répondre. Eh bien ? Fit la jeune fille surprise de son silence. C'est bien difficile à dire, balbutia Angèle. « Voyez, mademoiselle, je suis pauvre, mais j'ai ma fierté. »« Je comprends. Vous ne voulez rien devoir à une main étrangère. »« C'est cela, et pourtant j'ai tort, car la pauvreté n'est pas une honte. » Fernande, vivement émue, réfléchissait. « Si vous étiez riche, lui dit-elle après un court silence, ne seriez-vous pas heureuse de venir en aide à ceux qui souffrent et qui sont malheureux ?»« Ah, ce serait ma plus grande joie, » répondit vivement Angèle. « En ce cas, pourquoi voulez-vous me priver de ce bonheur ? Reprit mademoiselle de Croix-Marie avec un accent qui semblait contenir tout à la fois un reproche et une prière. La pauvre mère se sentit vaincue. « Envoyez-moi votre médecin, mademoiselle, » dit-elle, « et Dieu vous en récompensera. » Le lendemain, Fernande revint avec le médecin du château. Celui-ci examina longuement la petite malade. « Cet enfant, dit-il, n'a aucun organe attaqué, mais elle se meurt faute d'air et d'une alimentation suffisante. Il faudra un logement plus aéré et moins humide, avec une nourriture tonique et fortifiante. « Mon Dieu !» murmure Angèle. le moyen de se procurer tout cela quand on est pauvre. » Mademoiselle de Croix-Marie lui prit la main, la serra doucement dans la sienne et lui dit à mi-voix : « Votre enfant ne mourra pas. À nous deux, nous la sauverons. » Fernand tint parole. Quelques jours après, Angèle Maréchal habitait le premier étage d'une maisonnette située au midi entre cour et jardin, et Lucienne, grâce à la chaleur vivifiante du soleil et au régime réconfortant prescrit par le docteur, renaissait comme par miracle à la vie. Ses joues, autrefois pâlies, redevenaient roses. Tout son petit être reprenait de la force. Sa mère n'était plus obligée de la porter, il commençait à se mêler au jeu des autres enfants de son âge. C'était une bien triste histoire que celle de la vie d'Angèle Maréchal. Habile ouvrière en dentelle, à Paris, Angèle Maréchal était parvenue, à force de travail, à acheter et à payer un modeste mobilier. Elle avait son chez elle, et déjà elle entrevoyait le moment où elle pourrait placer quelques économies à la caisse d'épargne. Sur son carré demeurait un jeune peintre, plus âgé qu'elle, de 3 ou 4 ans seulement, et qui, lui aussi, espérait en l'avenir et rêvait la fortune. On ne le connaissait dans la maison que sous son nom de baptême, celui d'Hector, mais sous la vareuse du jeune artiste se cachait un fils de famille. Hector, sans remonter aux croisades, était ni plus ni moins que vicomte, jadis possesseur d'un petit castel perché sur une des montagnes qui avoisine Grenoble et transformé depuis en établissement hydrothérapique. Demeuré maître à 20 ans de son patrimoine, le vicomte Herbeau de Livran s'était lancé à corps perdu dans le monde où l'on s'amuse et il s'était ruiné en quelques années. C'était alors qu'il avait eu l'idée de demander à l'art des moyens d'existence. Hector de Livran, comme nous venons de le dire, et Angèle Maréchal étaient voisins, jeunes tous les deux, ils s'aimèrent et se marièrent. Hector n'avait que des parents éloignés, entichés de leur parchemin. Ils s'étaient mariés sans les consulter, et après son mariage, il cessa de les voir. Il fit plus, il renonça à porter son titre jusqu'au jour où la gloire et la richesse lui permettraient de le reprendre avec éclat. Les commencements de cette union furent heureux. Le jeune peintre obtint plusieurs commandes du gouvernement et Angèle, de son côté, redoublait d'ardeur au travail. L'avenir s'annonçait plein de douces promesses et un enfant était venu resserrer les liens qui les unissaient. Pour leur malheur à tous deux, Hector avait une voix admirable et ses anciens camarades d'atelier lui persuadèrent qu'il avait le pactole dans son gosier. Un entrepreneur de café-concert eut connaissance de ses succès dans de petites soirées artistiques et lui proposa un engagement de 500 francs par mois. Hector, ébloui, accepta avec enthousiasme. Cette quasi-richesse fut la perte du jeune ménage. Jusqu'à ce moment, Hector de Livran avait une vie des plus régulières. Il se pervertit dans le milieu nouveau où il se trouvait jeté. Jeune et beau, il ne sut point résister à ces plaisirs faciles qui tuent l'amour de la famille. D'abord, il prit l'habitude de ne rentrer chez lui que fort avant dans la nuit. Puis il demeura plusieurs jours sans s'y montrer, et lorsqu'il venait, il s'emparait de l'argent que gagnait sa femme. Enfin, il cessa tout à fait de paraître. Pour surcroît de chagrin, la fille de la pauvre délaissée tomba malade par suite de privations de toutes sortes. Angèle fit alors argent de tout. Elle vendit les quelques bijoux qu'elle avait achetés dans ses jours heureux. Après les bijoux, vint le tour des meubles et du linge. Et pendant qu'elle passait ses nuits à travailler, afin d'avoir du pain pour le lendemain, Hector dépensait ses appointements en parties de plaisir et enfin souper avec ses bons et ses bonnes petites camarades du café-concert. Un jour, que sa chère Lucienne était plus souffrante que d'ordinaire, Angèle comprit qu'il fallait consulter un médecin et s'en alla vendre son anneau de mariage, non sans répandre bien des larmes. Le médecin qui l'avait appelé refusa tout salaire, mais il déclara à la malheureuse jeune femme que l'air fortifiant de la mère pourrait seul sauver son enfant. Après avoir couché et endormi Lucienne dans son berceau, elle se rendit à un café-concert d'Hector afin de le supplier, au nom de leur fille, de revenir auprès d'elle. Elle était si pauvrement vêtue que le préposé à la recette fit des difficultés pour la laisser entrer. Enfin, elle entra et se glissa discrètement dans un coin solitaire, à peu de distance de la porte de sortie des chanteurs. En ce moment, une sorte de jeune femme à la toilette tapageuse chantait, avec des gestes équivoques, une de ces chansons dont l'esprit ne gâche pas même la crudité. Mais Angèle était si profondément plongée dans ses réflexions douloureuses qu'elle ne voyait et n'entendait rien. Tout à coup, un tonnerre d'applaudissements et de bravos frénétiques l'arracha à ses rêveries. Elle leva la tête, reconnut son mari dans cette jeune femme au costume tapageur, poussa un cri et s'évanouit. Lorsqu'elle reprit ses sens, un gros homme, correctement habillé de noir et en cravate blanche, lui demanda si elle se trouvait assez remise pour monter en voiture et s'en retourner chez elle. « Je veux voir mon mari, » répondit-elle. « Votre mari, » reprit l'homme vêtu de noir, qui n'était autre que le directeur du café-concert. « Oui, Hector, » dit-elle. « Ah, il est marié et vous êtes ? Je suis sa femme. » Le brave homme conduisit Angèle dans le foyer des artistes et l'envoya chercher son premier ténor qui changeait de costume. Au bout de quelques minutes, le bel Hector parut. Il avait repris ses habits de ville et son visage était encore tout rayonnant du succès qu'il venait d'obtenir. « Qui me demande ? » dit-il avec un sourire d'homme à bonne fortune. « Votre femme qui s'est trouvée mal dans le jardin veut vous parler, » répondit sèchement le directeur. Le belâtre se tourna du côté où se tenait Angèle, l'aperçut, devint blême, et lui dit d'un ton brutal que l'endroit était mal choisi pour une explication conjugale. Transportée d'indignation, la pauvre mère s'avança résolument vers lui, et de façon à être entendue par tous ceux qui l'entouraient, elle lui apprit que sa fille se mourait par suite de privations, et qu'elle avait vendu son alliance pour lui donner un morceau de pain. « Que voulez-vous que j'y fasse ?» répondit Hector avec indifférence. « Mon dernier costume m'a coûté des sommes folles, et je n'ai plus le sou. Tirez-vous d'affaire tous les deux comme vous pourrez, cela ne me regarde pas, chacun pour soi. » Puis il tourna le dos et disparut. Le directeur eut un mouvement de colère, mais il le réprima aussitôt, sortit du foyer, monta sur la scène, ordonna qu'on leva la toile, fit aux nombreux spectateurs un petit speech bien senti, à la suite duquel il ouvrit une collecte, en souscrivant lui-même pour 100 francs, puis il passa son chapeau parmi l'assistance. Il n'y eut qu'une clameur d'adhésion dans toute la foule. Les pièces d'argent et même quelques pièces d'or tombèrent drues comme grêle dans le chapeau du directeur, qui circulait de main en main, et quand la collecte fut terminée, elle s'élevait à la somme de 660 francs 50 centimes que l'excellent homme remit à la pauvre mère. Angèle, comprenant que son mari était à tout jamais perdu pour elle, quitta alors Paris, et conformément au conseil du médecin, elle s'en vint s'installer avec sa fille au bord de la mer, dans le village de Pembord, où Fernand de Croix-Marie l'avait rencontrée. Au moment de leur rencontre, les ressources d'Angèle étaient épuisées, et la santé de sa chère Lucienne se trouvait de nouveau gravement menacée. Fernande, à qui Angèle avait appris plus tard ce que nous venons de raconter, sans lui faire connaître toutefois le véritable nom de son mari, avait été profondément touchée de ses malheurs et elle avait fait part à son oncle de son désir de la prendre près d'elle en qualité de dame de compagnie. Le marquis de Kerdal avait approuvé, mais avec certaines restrictions. Il voulait d'abord se renseigner sur la protégée de sa nièce. Les renseignements recueillis sur le compte d'Angèle Maréchal, car elle avait repris son nom de famille dans la pauvre mansarde qu'elle habitait depuis l'abandon d'Hector de Livran, ayant été des plus favorables, quelques jours après, elle se trouvait installée au château de Kerdal avec le titre de dame de compagnie de Mademoiselle de Croix-Marie. Un mois ne s'était pas écoulé, que tout le monde l'aimait ainsi que sa chère petite Lucienne. Le marquis lui-même se plaisait à causer avec la mère pendant que l'enfant se roulait sur l'herbe à quelques pas d'eux. Quant à Fernande, l'intérêt qu'elle portait à Angèle s'était en peu de temps transformée en une véritable affection, et chaque jour, elle s'applaudissait de la bonne œuvre que son cœur compatissant lui avait inspirée. Angèle et son mari étaient appelés, comme nous le verrons plus tard, à jouer un grand rôle dans l'existence de la duchesse de Clodion.